Section 9, chapitre 12, chapitre 13. Chapitre 12, dans la forêt. Les nouveaux venus étaient tous deux de haute taille et d'apparence robuste. Celui dont Pélo-Rouan avait aperçu la figure était, dans toute la force de la jeunesse, beau visage et merveilleusement tourné. L'autre avait sous son feutre une chevelure grise et plus de 60 ans sur les épaules. « Qui que vous soyez, dit Simonet, employant la digne formule armoricaine, vous êtes les bienvenus. Que demandez-vous ? » Le plus jeune des deux étrangers rejeta son manteau sur le coude et montra l'uniforme de capitaine des soldats de la maréchaussée. « Je veux parler à monsieur Hervé de Vaunoy, répondit-il. « Le nouveau capitaine, chuchotèrent les serviteurs de la Tremblay. René, la servante normande de mademoiselle Alix, arrangea aussitôt les plis de sa robe. Les autres femmes, moins bien apprises, se bornèrent à rougir immodérément. Quant à Pélo-Rouan, il gagna la porte sans bruit, après avoir échangé un second regard d'intelligence avec Yvon et Corentin. « Ah, c'est lui qui est le nouveau capitaine » murmura-t-il lentement, d'un air pensif. Puis il s'enfonça dans les sentiers de la forêt. Maître Simonet prit un maintien grave et solennel pour remplir convenablement son office d'introducteur au lieu et place de maître Alain, le majordome, qui se faisait vieux et dormait d'ordinaire à 7 heures, ivre d'eau-de-vie. Il mit le bonnet à la main et précéda les nouveaux venus dans le salon de réception où se tenaient Hervé de Vaunoy et sa famille. Pendant qu'ils traversent le vestibule et la grande salle, nous rétrograderons de quelques heures et nous prendrons nos deux étrangers au moment où ils quittent la bonne ville de Vitré pour entrer dans la forêt. Outre que c'est un moyen fort simple de faire leur connaissance, nous assisterons ainsi avec eux à quelques petits incidents qu'il nous importe de ne point passer sous silence. Comme le lecteur a pu le conjecturer, le vieillard à barbe grise remplissait auprès du jeune capitaine l'office de valet. C'était un homme à visage honnête et austère. Sa taille, légèrement voûtée, annonçait seule la fatigue ou la souffrance, car son front restait sans rides et son regard serein exprimait la tranquillité d'âme la plus parfaite. Quant au capitaine, il y avait sous sa fine moustache noire retroussée un sourire insouciant et fin. Dans ses yeux, une hardiesse indomptable, une gaieté franche et comme un reflet de cordiale loyauté. On eût trouvé difficilement une taille plus élégante que la sienne, une pose plus gaillarde sur son cheval Isabelle et une plus gracieuse façon de porter son belliqueux uniforme. Il avait de 25 à 27 ans. Le valet s'appelait Jude Lecoeur. Le maître avait nom Didier, tout court. Le bon écuyer de Nicolas Tremble n'avait point changé beaucoup au long de ses 20 années. La souffrance avait glissé sur son cœur comme le temps sur la dure peau de son visage. Il se tenait encore ferme sur son cheval, et il n'eût point fait bon recevoir un coup de la rapière plus moderne qui avait remplacé sa longue épée à garde de fer. Il pouvait être 2 heures après-midi quand Didier et Jude dépassèrent les premiers arbres de la forêt. Le pâle soleil d'automne se jouait dans le feuillage jaunissant, et le sabot des chevaux s'enfonçait à chaque pas dans la molle litière que novembre étend au pied des arbres. Jude semblait respirer avec délice une atmosphère connue. Il saluait chaque vieux tronc d'un regard ami et presque filial. Il y avait 20 ans que Jude n'avait vu la forêt de Rennes. Tout en marchant, le maître et le serviteur poursuivaient une conversation commencée. « C'était, ma foi, un vaillant vieillard que ce monsieur Nicolas !» s'écria Didier, interrompant un long récit que lui faisait Jude. « J'aime son gant de buffle, qui pesait 1 livre, et j'aurais voulu voir la pauvre mine que dut faire monsieur le régent. »« Le régent nous mit à la Bastille, » répondit Jude avec un soupir. « C'était, en conscience, le moins qu'il pût faire, mon garçon. Nicolas Tremble, que Dieu sauve son âme, était déjà bien vieux, et puis il pensait sans cesse à l'enfant. « Quel enfant ?» interrompit Didier. « Georges Tremble, qui doit être, à l'heure qu'il est, un hardi soldat, s'il a gardé dans ses veines une goutte du bon sang de ses pères. » L'histoire languissait, Didier bâilla, Jude poursuivit. Il pensait donc à l'enfant, qui était au pays sans protecteur et sans appui. « Vieillesse et chagrin, c'est trop à la fois, mon jeune monsieur. Et pourtant, Nicolas Tremble mit longtemps à mourir. Il descendit en terre, voici 3 ans passés, et me légua le petit monsieur Georges. Et qu'est devenu ce Georges ? Dieu le sait, moi je fus mis en liberté 2 ans après la mort de mon maître, je n'avais point d'argent, et si la Providence ne m'eût pas envoyé sur votre chemin au moment où vous cherchiez un valet pour le voyage, je ne sais comment j'aurais regagné la Bretagne. Ma chère, ma noble Bretagne ! Répéta Jude avec des larmes de joie dans les yeux. Didier s'arrêta et lui tendit la main. « Tu es un honnête cœur, mon garçon, » dit-il. « Je t'aime pour ton attachement au souvenir de ton vieux maître et pour l'amour que tu as gardé à ton pays. Si tu veux, tu ne me quitteras plus. » Jude toucha respectueusement la main que lui offrait le capitaine. « Je le voudrais, » murmura-t-il en secouant la tête. « Sur ma parole, je le voudrais, car il y a en vous quelque chose qui rappelle la franche loyauté de Trême. Mais je suis un enfant et je suis breton. » « Ne m'avez-vous point dit que vous venez pour anéantir les derniers restes de la résistance bretonne ?»« Si fait, quelques centaines de fous furieux. Quand la rébellion se sent faible, vois-tu, elle tourne au brigandage. Je viens pour punir des bandits. » Jude réprima un geste de colère. « De mon temps, murmura-t-il, messieurs de la frérie bretonne ne méritaient point ce nom. »« C'est vrai, ceux dont tu parles n'étaient que des maniaques entêtés. Mais les frères bretons sont devenus les loups. » « Les loups ? » répéta Jude, sans comprendre. « Ils ont eux-mêmes choisi ce sauvage sobriquet. Ce n'est pas la Bretagne, ce sont les loups que je viens combattre, de par l'ordre du roi. » Jude ne fut probablement point persuadé par cette subtile distinction, car il se borna à répondre « Je ne sais pas ce que font les loups, mais ils sont bretons, et vous êtes français. N'en parlons plus !» s'écria gaiement le capitaine. « Quant à la question de savoir si je suis français ou non, c'est plus que je ne puis dire. Bois un coup, mon garçon !» Il tendit sa gourde de voyage à Jude, qui cette fois n'eut aucune objection à soulever. « Et maintenant, reprit le capitaine, orientons-nous. Voici un sentier qui doit mener à Saint-Aubin-du-Cormier. »« C'est ma route, » répondit Jude, « et nous allons nous séparer ici, car vous allez à Rennes, je pense. Je vais au château de la Tremblay. » Jude devint pensif. « Vous êtes déjà venu dans le pays, » dit-il, après un silence, « car vous le connaissez aussi bien que moi. Peut-être n'est-ce pas la première fois que vous allez au château de la Tremblay ?»« Peut-être, » répéta le capitaine, qui sembla éviter une réponse plus catégorique. « Si vous y êtes allé, » continua Jude, dont tous les traits exprimaient une curiosité puissante, « vous avez dû voir un jeune homme, un beau jeune homme, l'héritier de ces nobles domaines. » L'unique rejeton d'une race qui est vieille comme la Bretagne. Tu le nommes ? Georges Trême. Ce fut au tour du capitaine de s'étonner. Pour la première fois, il rapprocha ce nom de Trême de celui du château. Il comprit que le vieux gentilhomme dont il venait d'entendre la chevaleresque histoire était l'ancien maître de la Trême. Je n'ai jamais vu ce jeune homme, répondit-il. Chapitre 13. Le capitaine Didier. Jude demeura un instant comme atterré. « Mon Dieu, pensait-il, qu'ont-ils fait de notre petit monsieur ?» Le capitaine était devenu rêveur. Peut-être connaissait-il assez monsieur de Vaunois pour qu'un doute s'élevât dans son esprit touchant le sort de l'héritier de Trême. « Ma tâche est tracée, » reprit Jude. « Je la remplirai, monsieur, » ajouta-t-il d'une voix que son émotion rendait solennelle. « Je vous adjure, par votre titre de gentilhomme, de me prêter votre aide. » Un triste sourire vint à la lèvre du capitaine. « Gentilhomme, » dit-il. « Par votre mère, » voulut continuer Jude. « Ma mère, » dit encore le capitaine. « Allons, mon garçon, tu tombes mal. Que viens-tu me parler de titres et de mère ? Mais je suis officier du roi, et cela vaut noblesse. Tu auras mon aide pour l'amour de Dieu. »« Merci, merci, » s'écria Jude. « En revanche, moi je suis à vous, monsieur, à vous de tout cœur, et tant qu'il vous plaira. » « Maintenant, veuillez vous détourner quelque peu de votre route. Nous reviendrons ensemble au château. » Le capitaine suivit Jude aussitôt. Ils marchèrent un quart d'heure le long du chemin qui mène au bourg de Saint-Aubin-du-Cormier. Puis Jude, tournant à gauche, s'enfonça tout à coup dans un épais taillis. Au bout d'une centaine de pas, Didier arrêta son cheval. « Où me mènes-tu » demanda-t-il. « Au lieu où Nicolas Trême, mon maître, partant pour la cour de Paris, a enfoui l'espoir et la fortune de sa race. » « Tu as donc grande confiance en moi. » Jude hésita un instant. « Je vous confierai ma vie, » dit-il enfin. « Mais le trésor de Trême n'est point à moi. Vous avez raison. Mieux vaut que je sois seul à garder ce secret. » Et mieux vaut, ajouta Didier, que je ne m'enfonce point trop dans ce fourré, au-delà duquel est la retraite des loups. Ils pourraient me mordre, mon garçon. Va, tu me retrouveras ici. Jude descendit de cheval et s'engagea à pied dans l'épais taillis où nous avons vu autrefois cheminer Nicolas Trémle lorsqu'il portait en poche l'acte signé par son cousin Hervé de Vaunois. Resté seul, le jeune capitaine mit aussi pied à terre, s'étendit sur le gazon et donna son âme à la rêverie. Ses méditations furent douces. Officier de fortune et parvenu, son mérite aidant, à un poste que ses pareils n'atteignaient point avant d'avoir vu blanchir leurs moustaches et tomber leurs cheveux, il avait désormais devant lui un avenir couleur de rose. Sa mission en Bretagne n'était pas sans importance, et il espérait réduire aisément cette poignée d'hommes intrépides, mais simples et grossiers, qui s'opposaient encore à la levée de l'impôt, molestaient les sujets soumis au roi et poussaient parfois leur insolente audace jusqu'à mettre la main sur les fonds du gouvernement. À part cet intérêt politique, son arrivée dans le pays de Rennes avait pour lui un intérêt particulier, dont nous ne ferons point mystère au lecteur. Ce n'était pas la première fois que Didier venait en Bretagne. L'année précédente, il avait passé 6 mois à Rennes, en qualité de gentilhomme de M. le comte de Toulouse, gouverneur de la province, lequel l'avait fait entrer depuis dans les gardes françaises, d'où il était sorti avec son grade actuel. Beau de visage et de tournure, prompt à l'amitié, mais étourdi et léger, il avait été bien prêt une fois de choisir la compagne de sa vie. Pendant son séjour à Rennes, dans la maison du prince gouverneur, il avait été de pair à compagnon avec les fils des premières familles de la province. Il était de toutes les fêtes de messieurs des étangs, et dans ce monde des gens du roi, sa position lui attirait une faveur à laquelle ne nuisait point sa bonne mine. À cette époque, la reine des salons, dans la capitale bretonne, était mademoiselle Alix de Vaunois de la Trémlay, noble créature dont le charmant visage était moins parfait que l'esprit et dont l'esprit ne valait point encore le cœur. Didier l'avait vue au palais même du prince gouverneur qui, pendant son séjour dans la province, tenait une véritable cour. Il s'était senti attiré vers elle. Alix, de son côté, n'avait point dissimulé le plaisir que lui causait cette recherche. Le monde avait remarqué leur naissante et mutuelle sympathie. M. de Vaunois, seul, semblait ne s'en point apercevoir, ou y prêtait volontairement les mains, ce qui surprenait fort chacun. On savait, en effet, que Vaunois avait pour l'établissement de sa fille unique des prétentions fort élevées et qui ne s'attaquait à rien moins qu'à M. de Béchamel, marquis de Nointel, intendant royal de l'impôt et l'un des plus opulents financiers qui fussent alors en Europe. Nonobstant cela, Vaunois, qui avait d'abord regardé le jeune officier de fortune avec un dédain tout particulier, l'attira bientôt chez lui et lui fit fête tout autant qu'aux héritiers des plus puissantes maisons. Si ce n'eût point été là une circonstance positivement insignifiante pour le public, on aurait pu remarquer que ce changement étrange avait coïncidé avec l'acquisition que fit Vaunois d'un certain Lapierre, valet du prince gouverneur. Mais il n'était point probable, en vérité, que cette révolution d'antichambre eût pu influer en rien sur la conduite ultérieure du riche maître de la Trémlay. Quoi qu'il en soit, un soir que Didier sortait de l'hôtel de Vaunois, le cœur tout plein d'espérance, il fut attaqué dans la rue par 3 estafiers qui le poussèrent rudement. Il n'avait que son épée de balle, mais il s'en servit comme il faut. Les 3 estafiers en furent pour leur peine et les horions qu'ils reçurent. Didier, blessé, rentra au palais du gouvernement. L'affaire n'eut point de suite parce que le comte de Toulouse quitta Rennes quelques jours après. Mais ce n'était pas là le seul souvenir du capitaine Didier. Il en avait un autre beaucoup plus humble, qui restait plus avant peut-être dans son cœur. C'était une blonde fille de la forêt dont nous avons déjà prononcé le nom. En ce moment encore, couché sur l'herbe et bercé par ses méditations, il ne songeait point à mademoiselle de Vaunois, et c'était la pure et gracieuse image de Fleur Desgenais qui souriait au fond de sa pensée. Il rêvait et ne s'en rendait point compte à cette douce et chaste tendresse qui avait embelli quelques jours de sa vie quand il était encore presque adolescent. Les loups, l'impôt, la bataille prochaine, rien de tout cela pour lui n'existait en ce moment. Les arbres de la vieille forêt lui parlaient de sa vision d'autrefois. Si elle venait, murmura-t-il en glissant son regard dans les sombres profondeurs des taillis. Ce qui pouvait lui venir le plus probablement, c'était la balle de quelque loup, car il avait jeté sous lui son manteau et les broderies de son uniforme brillaient maintenant sans voile. Mais il y a un dieu pour les capitaines qui rêvent. Une voix douce et lointaine encore sembla répondre à son aspiration. Il tendit l'oreille. La voix approchait. Elle chantait la complainte d'Arthur de Bretagne. Didier écoutait avec délice cette voix et cette mélodie connue. À mesure que la voix approchait, les paroles devenaient plus distinctes. Fleur Desgenais chantait ce passage de la complainte populaire où Constance de Bretagne commence à désespérer de revoir son malheureux fils. Nous traduisons le patois des paysans d'Ille-et-Vilaine. Marie disait « Elle attendait, car pauvre mère longtemps espère, elle attendait le cœur Marie, son fils chéri. Elle mettait son âme entière dans sa prière et disait « Rends-moi mon enfant ». Dieu tout-puissant. Marie n'était plus qu'à quelques pas de Didier, mais il ne se voyait point encore, tant le taillis était épais. Le capitaine retenait son souffle. Marie poursuivit, répétant, suivant l'usage, les deux derniers vers en guise de refrain, et disait « Rends-moi mon enfant, Dieu tout-puissant. Arthur, Arthur, hélas, absence, brise, espérance, le faible est au pouvoir du fort. » Jusqu'à la mort. Le caractère de ce chant est une mélancolie tendre et si profonde que le ménétrier qui le dit, à un rustique auditoire, est certain d'avance d'un succès de larmes. Il semblait que la pauvre Marie rapportât à elle-même le sens des deux derniers vers, car le chant tomba de ses lèvres comme un harmonieux gémissement. « Fleur Desgenais, murmura Didier. Elle entendit et perça d'un bond le fourré. Lorsqu'elle aperçut enfin le capitaine, ses genoux fléchirent. Elle s'affaissa sur elle-même en levant ses grands yeux au ciel et son cœur s'élança vers Dieu. Cette âme candide et virginale ignorait les artifices du mensonge. Elle lui raconta ses craintes et ses espérances et combien elle avait prié pour son retour. Ainsi se prolongea longtemps, avec tout le charme et la naïveté de l'innocence, cet entretien touchant qui devait avoir une influence décisive sur leur destinée. Fin de la section 9.